toujours à l'occasion du jour de décès du dirigeant Kim Jong-il, les personnalités de différents milieux de divers pays ont visité du 9 au 17 décembre les représentations coréennes dans leur pays. Des personnalités gouvernementales, de partis politiques, de formations et d'établissements de Chine, de Russie, d'Indonésie, du Pakistan, de l'Iran et de l'Ouganda, et des représentants diplomatiques de divers pays en Iran ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les tableaux de peinture représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il avant de rendre leur hommage sublime. Par ailleurs, toujours à la même occasion, le comité central du Parti communiste de Chine et l'ambassade chinoise à Pyongyang ont fait parvenir le 16 les corbeilles de fleurs au comité central du Parti travail de Corée.